5 coups, j'arrive avec un putain d'album. Des putain de sale thème. Fat style et des chevaux sous le capot de la BM. Toujours au P pour foutre la merde. Toujours en guerre avec le monde en paix. Avec moi-même, je fais pas partie de ceux qui tombent au premier obstacle. Encore moins de ceux qui restent à terre après un tac. Je fais pas partie de ceux qui courent après une balle. Mais de ceux qui remplissent le chargeur avec sur ma pierre tombale. Inscrit en grosses lettres, index, c'est peut-être une arnaque. Y'a peut-être que dalle au fond du trou, fils. Tu peux t'attendre à tout, mais tu risques quand même d'être surpris. Les suspects demandent un sursis. Accordé, tu connais le dicton. Reculer pour me sauter comme un bouchon de moins tes chandons. Sous la pression dans mon soirée à pognon plein de PD. Ou même ceux qui pensent une palette finissent tôt ou tard pas se faire en manger. Les autres, mon pote, jamais du frais dans le game. Pour niquer les baltringues, éliminer la gangrène. Faites de la place, car je reprends les choses en main. Professionnel comme un employé des pompes funèbres. Reviens les autres, mon pote, jamais du frais dans le game. Pour niquer les baltringues, éliminer la gangrène. Faites de la place, car je reprends les choses en main. Professionnel comme un employé des pompes funèbres. Mon rap le reflet de la rue de ma vie. Je donne ça sur des putains d'estrutriers sur le volet. Tu reconnais la prod, c'est signé. Les mots jamais au hasard choisis. Les jaloux qui l'ont mauvaise diront que c'est toujours la même chose, rarement mieux que naze. Bref, ça risque d'être saignant sinon chemin se croise. Vaut mieux pour eux qu'ils soient méchants, armés et balèzes. Car je suis méchant, armé et balèze. De plus, moi je m'en bats les couilles de tes potes. C'est pas le genre de détail qui m'inquiète. Si t'es le genre de rap taille qui se la pète, change de route, tu risques de pas aimer la suite. Je rends hardcore sans noblesse, illégitime successeur de Chuck D. Number one ennemi public. Je voulais lui redonner tout son sens comme le premier opus de Nico Mouk authentique. Souvent on tente le tout pour le tout, comme si nos lives étaient des putains de loterie. Coup de latte dans les gencives, on laisse les baltringues dans les latrines. Reviens les autres, mon pote, jamais du frais dans le game. Pour niquer les baltringues, éliminer la gangrène. Faites de la place, car je reprends les choses en main. Professionnel comme un employé des pompes funèbres. Reviens les autres, mon pote, jamais du frais dans le game. Pour niquer les baltringues, éliminer la gangrène. Faites de la place, car je reprends les choses en main. Professionnel comme un employé des pompes funèbres.